Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur Parent lui dit « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ?»« Oui, je veux bien. » Elle s'assit dans un fauteuil. Il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublé, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haletée. Au bout de 10 minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, » dit le médecin. Et je m'assis derrière elle. Il lui passa entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir. Que voyez-vous dedans ?» Elle répondit « Je vois mon cousin. Que fait-il ? Il se tord la moustache. Et maintenant, il tire de sa poche une photographie. Quelle est cette photographie ? La sienne. » C'était vrai. Et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel. Comment est-il sur ce portrait ? Il se tient debout, avec son chapeau à la main. Donc, elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle l'eût vu dans une glace. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez, assez, assez !» Mais le docteur ordonna « Vous vous lèverez demain à 8 heures, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous le supplierez de vous prêter 5 000 francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à un prochain voyage. » Puis il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeai à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent, non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qui montrait à la jeune femme endormie en même temps que sa carte de visite ? Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrai donc, je me couchai. Or ce matin, vers 8h30, je fus réveillé par mon valet de chambre qui me dit « C'est madame Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. » Je m'habillai à la hâte et je la reçus. Elle s'assit, fort troublée, les yeux baissés, et, sans lever son voile, elle me dit « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. »« Lequel, ma cousine ? Cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant il le faut. J'ai besoin, absolument besoin, de 5 000 francs. » « Allons donc, vous ?»« Oui, moi, ou plutôt, mon mari, qui me charge de les trouver. »